L'homme est attiré par le vice, triple 6, guerre mondiale, bombe atomique. Alors on fait face à la terreur, comme un docteur face à une tumeur. Désolé, mais à la fin tu meurs, car je suis qu'un mortel. Et c'est la mort qui m'interpelle, elle sait qui je suis, comment je m'appelle. Même où j'habite, elle s'en rappelle. Même temps une pelle pour que je m'enterre, mais je me laisserai pas faire. Même si je dois rester en enfer, c'est clair. Le diable est redoutable, ne t'assis pas à sa table, ou il fera de toi le coupable idéal. Je l'ai côtoyé, c'était pas mon idée la plus géniale, car je me suis retrouvé comme un rat dans un univers carcéral. Je vais toujours à balle et à l'impact j'ai mal. Difficile de rester intact après un pacte avec le diable. Je redoute le mal, toujours en vie et ça m'épate. Le mal s'introduit dans les idées les plus banales. Je dois canaliser ma rage et l'analyser. Dans ce monde y'a des images qui font baliser. Qu'est-ce qui m'escorte quand le mal frappe à ma porte? C'est les keufs qui t'emmènent au cachot avant que t'aies touché ton cachet. Ils t'emmènent en calèche gros, t'es tombé dans la brèche.